Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marvelicious, épisode 44, où avec Olivier, Nadège et Julie, on fait le point sur la fin de la série Agatha All Along sur Disney+, et on fait un point également sur les séries et films à venir. Allez les amis, bonne écoute à tous. De Marvelicious, épisode 44, on est presque 50, épisode 44 où je suis accompagné de toute l'équipe, enfin pas tous, on dirait les principaux, voilà, de l'équipe pour faire un point sur la fin d'Agatha All Along. Désolé pour l'anglais, c'est toujours aussi pathétique. Donc du coup, pas d'épisode solo aujourd'hui, épisode en collectivité. Voilà, ça va être super sympa. Et on va commencer par Nadège. Bonjour Nadège. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Après, alors, toi, tu t'es refait la série, toi? Ouais, je l'avais regardée déjà une fois et je m'étais dit, ce week-end, je vais la refaire, comme ça, c'est un peu plus frais. Voilà. Bah, c'est bien, ça. Et oui, bonne élève. Et du coup, ça a été de la regarder? Ouais, franchement, nickel. Nickel. Donc, ça veut dire que c'est une série que t'as plu, du coup, si ouais. J'ai bien compris, et accompagné de Olivier. Oh, mon Olive. Salut, mon petit Benji. Ça va, et toi? Ça va, ça va. J'ai cru que tu voulais plus me parler, parce que tu faisais des podcasts tout seul. Mais non, c'est parce que j'ai voulu tester un truc. Voilà. Et bah, ça a bien fait, c'est très bien. Ouais, bah, c'est génial. Bah, merci, c'est gentil. C'est gentil. Bah, ça met du temps, mais du coup... Là, ouais, c'est du boulot, hein. C'est long à faire. Ouais, oui, c'est du boulot. Et puis on est accompagné de Julie. Bonjour. Bonjour. Alors Julie qui était là la dernière fois. Ah, un petit écho. Voilà, c'est il y a un petit écho. Julie qui était là la dernière fois et puis Olivier qui était là la dernière fois et Nadège qui n'était pas là la dernière fois. Non. On avait parlé de quoi des trois premiers ou des quatre premiers, je sais pas. Des trois premiers, j'ai vérifié, c'était les trois premiers. J'ai même refait la pub ce week-end. Oh. Elle n'est pas commode aujourd'hui, hein, là déjà. Non, je suis bon élève, voilà, c'est tout. Attention. Bah oui, alors du coup, elle s'est refait toute la série et en plus, elle s'est refait tout le podcast, c'est pas mal. Voilà. Il t'a plu au moins? Ouais, franchement, nickel. Même si Olivier râlait beaucoup. Mais bon, il va encore râler ce soir, je pense. Hein, oui, ou pas. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Même toi, tu l'as dit, Benjamin, dans le groupe après. Non, non, c'est vrai que j'ai pas aimé la série. Que j'ai pas aimé la série, j'ai pas dit que j'ai pas aimé. Non, que Olivier a beaucoup dit qu'il avait pas aimé la. Qu'il commençait à pas aimer les épisodes à partir du 3, je crois, déjà. Mais... Oui, oui, j'ai adoré les deux premiers, oui. C'est l'avantage de l'esprit de contradiction, c'est-à-dire qu'il faut écouter tous les arguments de tout le monde. Qui permet d'avoir un bon débat. Yeah. Parce que si on dit tous la même chose, voilà, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas intéressant. Oui. Donc, je vous propose de faire ça en deux parties. Du coup, on va parler d'abord de... Alors, j'ai récupéré quelques données, quelques chiffres clés sur la série qui m'ont assez impressionné. Et on va faire j'ai fait une synthèse des critiques positives et négatives. Et puis... on dira si ça convient ou pas par rapport à ce qu'on pense de la série. Et puis, on fera quelques points sur chacun des personnages. Ça évitera... Alors, la dernière fois, je crois qu'on a fait épisode par épisode. Mais là, on va pas faire épisode par épisode. On va faire personnage par personnage. Du moins, les principaux. Et on conclura là-dessus. Voilà. Alors, quelques chiffres clés. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est qu'Agatha a connu un succès. Voilà, ok. Donc, On en parlait une fois. Elle a connu un succès assez impressionnant. Donc, la première semaine, il y a eu 426 millions de minutes de visionnage. C'est énorme. Et la dernière semaine, donc celle avec les deux derniers épisodes, on est à 744 millions, quasi presque le double de visionnage. Donc entre la première semaine et la dernière, on a le double de visionnage. Rien que l'épisode final, il a réuni 4,6 millions de vues en une journée. C'est énorme, 4,6 millions de vues en une journée. Et c'est la série qui est à la 10e place sur Disney+, pour la semaine du 28 au octobre au 3 novembre 2024. Donc quand ils ont choisi la bonne période hein, pour Halloween, c'est bien joué. Oui, ça doit avoir effet Halloween. Oui. Mm. Est-ce que ça... Oui, ça doit être ça, ça doit être l'effet Halloween qui doit faire le... Mm. Ouais, c'est sûr, hein, c'est la bonne période pour sortir. Ouais. Bah, surtout que sinon, cette année, il n'y avait pas de vraiment sortie pour Halloween. Non, le film et tout, ils n'ont rien sorti. Mm. Vous aimez bien regarder des séries horrifiques, vous, Halloween? Moi, j'aime bien, pendant Halloween, je regarde des films d'horreur, des trucs comme ça. J'aime bien me mettre dans l'ambiance, ouais. Hocus Pocus, je ne l'ai pas fait cette année, mais en général, je le regarde tous les ans. Ouais. Et toi, Nadège, t'as mis aussi, toi? Alors, moi, je ne vais pas regarder de films d'horreur, mais des films un peu comme ça, oui, sorcellerie, etc. Sympa, moi, j'aime bien. Voilà. Bah, Julie, toi, t'aimes bien regarder des films d'horreur? Oui, j'aime bien regarder des films ou des séries un peu comme ça, fantastiques, enfin, d'horreur, je sais pas. Après, on regarde American Horror Story, et je pense que c'est un peu gore toujours comme truc. Ah, après, pas spécialement pour Halloween, hein, je pense que j'en regarde un petit peu tout le temps. Mais... Oui, bah, c'est pareil, mais bon, j'aime bien me faire ma petite cure à Halloween, tu vois, regarder plus qu'à l'accoutumé en fait. Bon, là, c'est bien. La coutume est de regarder des séries d'Halloween. Donc, j'ai fait un bilan des critiques positives et négatives. Alors, est-ce qu'on commence par une synthèse de critiques négatives ou positives? Vous voulez commencer par quoi? On va commencer par le plus mauvais, par le négatif. On va finir par le meilleur. Ok, on commence par le négatif. Ouais, je pense que ça peut être un... Bon. Là, alors, j'ai fait une synthèse des critiques négatives. Donc, l'une des premières critiques négatives... qui ressort le plus, c'est l'absence de nouveautés, puisqu'il y a certains spectateurs qui trouvent que la série n'apporte rien réellement de nouveau au MCU et que on aurait une même mécanique comme WandaVision qui serait chaque épisode regroupe une tranche d'année ou c'est pas une série parce que WandaVision c'est autre chose, mais en tout cas, on aurait cette même mécanique où chaque épisode aborde un thème en particulier. Alors, vous en pensez quoi? Bah, moi, le thème de la série, enfin, la mécanique de la série ne m'a pas plu, en fait. Le principe de l'épreuve par épisode, j'ai vraiment eu l'impression que, alors c'est marrant au début, la première fois, après quand c'est systématique, et puis qu'on les voit déguisés à chaque fois, enfin, j'ai trouvé ridicule souvent dans leur... Enfin, ça me sortait du truc. Il avait déjà fait avec le pseudo Desperate Housewives, et à chaque épisode, c'était ça, quoi. Donc, la mécanique de l'épreuve, pareil. Moi, j'ai trouvé, franchement, j'ai trouvé, surtout au milieu, tu aurais pu supprimer tous les épisodes, c'était pareil. C'est des épisodes, ça n'apportait rien finalement. Ils passaient l'épreuve et puis on continue quoi. Et ce qui m'a. Donc la mécanique, j'étais un petit peu déçu parce que c'est pas ce qu'annonçaient vraiment les deux premiers. Les deux premiers épisodes étaient très différents dans la forme. Même si ça rappelait WandaVision, je me suis dit, ah, c'est bien, ça va être varié, etc. Et puis à partir du 3, bah, c'est pratiquement le même épisode chaque fois. En tout cas, dans la mécanique. Et puis, l'absence de dimension, on a l'impression que c'est tout le temps les mêmes décors. La forêt, on a l'impression que c'est toujours tourné à la même place. Ça sent le studio à plein nez. Je pense pour les décors. Ouais, ça manquait d'ampleur. Et puis, de, Et je te dis, ils ont eu l'idée de départ qui était bonne. Et puis, comme souvent dans les séries Disney, au milieu, ils comblent. C'est, ils ont une bonne idée de début, une bonne fin. Et au milieu, il faut qu'ils comblent. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Nadège, as-tu eu le même sentiment ? Bah moi, pas tout à fait, parce que moi, au fond, je trouve ça logique qu'ils aient des épreuves à chaque épisode, parce qu'au fond, c'est une route. Du coup, la route, tu as des épreuves, des obstacles, etc. Donc, pour moi, ça ne m'a pas plus embêté que ça. Je sais que vers le milieu de la série, j'avais aussi peut-être un peu de mal, mais la fin, j'ai adoré. Du coup, ça m'a remis dedans, en fait. Donc, voilà. Oui, après, c'est vrai que le fait qu'il y ait une épreuve par épisode, comme dit Olivier, ça peut être un peu lassant, parce que c'est vrai que c'est calqué, les épisodes sont un peu tous calqués sur le même schéma, sauf effectivement les derniers où là, quand ils sortent de, entre guillemets, de la route, du coup, ça fait un rebondissement, une nouveauté, mais c'est vrai que oui, sur la mécanique, c'est vrai que c'est un peu comme Vendavision, où tu avais effectivement un épisode par épisode, enfin de la série, enfin voilà, c'était un truc différent à chaque fois, mais la base est la même. Et puis après, tu as aussi, oui, des fois faut jongler avec les retours, enfin les explications de ce qui s'est passé avant. Des fois, c'est pas toujours évident. Mais bon, après, je pense que je suis d'accord aussi avec Nadège sur le fait que sur la fin, c'était mieux, donc ça rattrape un peu le milieu qui était un peu moins bien. Alors justement, c'est justement la deuxième critique négative que les gens donnent. C'est que l'impression est que la série est coupée en deux, qu'on a une première partie un peu classique, un peu molle, entre guillemets. Puis, en fait, la série commence réellement à partir de l'épisode 6-7, où l'histoire prend beaucoup plus d'ampleur d'un seul coup. Alors, je vais demander tout de suite, c'est que j'ai vraiment eu cette impression-là. Je ne sais pas toi, Olivier, mais j'ai vraiment eu cette impression. Non, mais ce n'est pas positif du tout. S'il faut avoir 8 épisodes et puis que le 6 et le 7, c'est que les deux derniers qui sont bons, globalement, la série est ratée quand même. Bah, pas forcément, parce que le 1 et 2 est globalement bien. Du 3 à les 5, c'est pas tip-top. Puis après, la série, elle prend de l'ampleur, en fait. Il y en a un que j'avais trouvé catastrophique avec Maléfique, là, je sais plus. Ah ouais, t'as pas aimé cet épisode? Non, pas du tout. Non. Ben après, je suis sorti du truc, je te dis, à un moment donné, quand j'ai vu que c'était tout le temps pareil, et puis quand tu les vois, j'ai trouvé le visuel ridicule à chaque fois. Ça me sortait du truc, en fait. Mais pourtant, j'en attendais beaucoup. Pardon ? Tu avais raison hein, quand tu avais dit que ça te... Dans l'épisode du podcast qu'on avait fait ensemble, tu avais dit que ça te faisait rappeler un petit peu le magicien d'Oz. Oui, non, mais c'est ça. Moi, j'adore le magicien d'Oz et c'est quand même un sou, mais magicien d'Oz. Hein, Et au final, tu avais raison. Au final, tu avais raison. La physionomie du magicien d'Oz. Oui, tout à fait. Mais justement, quand tu copies le magicien d'Oz, tu prends quand même le haut du panier dans le genre. C'est, à la limite, c'est le magicien d'Oz. Enfin, c'est culte. C'est un film qui est même que je vous conseille de regarder maintenant, qui est sur Disney+, qui est encore impressionnant visuellement. Quand tu t'attaques à ça, il faut que tu sois un peu à un niveau bien au-dessus de ce qu'ils nous ont fait quand même. Enfin, je trouve. Mais bon, après, globalement, la série a plu. Donc, oui, mais c'est pas parce que ils ont eu raison. Ça doit te plaire. Oui, non, mais bon. Moi, j'étais déçu en fait. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Je vais te dire un truc. Quand je vois que Venom 1 et Venom 2, ça a fait un carton pour les deux bouts, ce que c'est. Alors, du coup, je vais te dire un truc, c'est pas parce que ça a plu que c'est forcément bon. Oui, non, mais oui, peut-être, mais oui. Voilà. Moi, je sais qu'elle m'a plu, mais il y a d'autres séries qui ont beaucoup plu. Genre, je sais que. Hawkeye, moi, j'ai adoré. Ouais, j'ai bien aimé, alors que les gens ont pas. Les critiques étaient mauvaises, mais j'ai adoré Hawkeye, ouais. C'est une perception que l'on a. Après, même si j'ai beaucoup aimé Agatha, je dois avouer que la série elle est déséquilibrée. Quoi. On a vraiment l'impression que oui, vraiment, vraiment. La série démarre bien. Il y a un temps où c'est vraiment mou et après du coup ça repart. Justement, je crois et tu as un sentiment de gâchis parce que les acteurs sont exceptionnels. Ils avaient quelque chose, ils auraient pu faire un truc, un petit chef-d'œuvre, un truc énormissime. Ils ont fait un truc qui fait un peu un soufflet qui se dégonfle au milieu. C'est quand même un peu décevant. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, je pense. Ok, la troisième critique qui revient le plus souvent, c'est que les personnages sont vus dans leur perception dans la série comme des personnages avec un déséquilibre scénaristique. En fait, on a le sabbat de Agatha, il y a plusieurs sorcières et les gens trouvent de manière générale que certains personnages ont un caractère plutôt confus et que certains personnages manquent cruellement de profondeur. Alors, est-ce que vous l'avez remarqué aussi, ça ? Oui, les personnages sont... Il y en a beaucoup, peut-être trop. Et ils ne prennent pas le temps de les développer, déjà d'une, parce qu'ils sont trop préoccupés par nous faire les épisodes qui s'inspirent de différentes choses, Desperate Housewives, comme on avait dit, etc. Tu as Mrs. Hart, qui est une actrice géniale, qui avait un potentiel drôle. Ils la font mourir. Après, voilà, fini. J'ai envie de te dire, bah, fallait pas la faire venir, à la limite. Tu vois, je m'attendais, franchement... En plus, on pensait tous qu'elle allait revenir. Bah oui, mais parce que franchement, ça a été un personnage fort, un personnage sympathique, tu avais envie de la revoir. Et puis, pof, voilà. En fait, globalement, elle ne sert à rien, quoi. Oui, moi, je trouve qu'il y a trop de personnages et ils ne sont pas assez développés. Et puis... Et puis Agatha, c'est pas la Agatha qu'on a vue dans WandaVision, je trouve. Pourtant, j'adore l'actrice, mais je trouve que là, les réalisateurs la font surjouer. Elle en fait trop. Et toi, tu as déjà trouvé que les personnages étaient de manière déséquilibrée ? Traités de manière déséquilibrée ? Pour moi, à part vraiment Madame Hart, où, oui, comme dit Olivier, elle meurt assez vite, du coup, bah oui, t'as pas le temps de traiter sur elle. Donc clairement, elle servait juste à ouvrir la route et après, bah, en fait, elle servait à rien. Mais sinon, après, je trouve que les autres personnages, ça allait. Parce qu'ils avaient plus de temps, du coup, de présence dans la série. Du coup, on a pu un peu plus les connaître et tout. Voilà. J'avais trouvé que le déséquilibre était au début de la série. Et après, certains, ils prenaient de la puissance. Notamment, je crois que c'est Lilia Calderu, c'est la sorcière qui pouvait voir dans l'avenir, dans le passé, ouais. etc. Elle a trouvé vraiment... celle-là, elle a pris de l'importance plus tard. Toi aussi, tu as trouvé que les personnages étaient traités de manière inéquitable ? Je sais pas s'ils sont vraiment... Enfin, je suis pas sûre que ce soit une manière inéquitable. C'est plus que... Je pense qu'il y en a, effectivement, qui sont moins importants que d'autres. Enfin, c'est l'impression que ça donne... même les sorcières du sabbat, je sais pas, j'ai l'impression que celle qui meurt en second, bon, on n'a pas très bien compris c'était quoi le truc avec la malédiction ou je sais pas quoi là. Moi j'ai eu un peu de mal à cerner le personnage, mais je trouve que les deux autres elles sont plus intéressantes, donc à la rigueur c'est pas très grave qu'on n'ait pas plus creusé la première sorcière là. Et après bah oui, la voisine, c'est vrai que moi j'aime bien l'actrice aussi, j'aurais bien aimé la voir plus dans la série, mais effectivement, si elle n'est pas sorcière, il n'y avait pas forcément d'intérêt à ce qu'elle reste dans les épisodes suivants, puisqu'elle n'a pas de pouvoir, et je ne sais pas ce qu'elle aurait apporté du coup à la série. Bah, elle aurait apporté un côté humoristique, attachant, qu'elle a apporté dans le premier et le deuxième. Je trouve que c'est une erreur. C'est comme Rio Vidal, la méchante. L'actrice, je la trouve géniale, mais ça aurait pu être une méchante tellement exceptionnelle. C'est survolé, tout est survolé en fait. C'est vrai que la méchante, on comprend pas pourquoi on la voit pas plus. Ils auraient pu effectivement creuser un peu plus. Enfin, franchement, ça aurait été une super méchante et non, c'est en fait ils ont eu de l'ambition. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas plus. Comme s'ils ont été vraiment limités en budget, quoi, en fait. Ou alors ça aurait dû être fait sur deux saisons ou plus d'épisodes, je sais pas. Après, il y a quand même des effets spéciaux qui sont quand même pas mal faits, je trouve. C'est pas non plus, ça fait pas non plus le truc cheap. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a pas fait cette impression-là. Après, oui, ça, peut-être ça fait que pas les décors, c'était cheap, limité. mais ça fait très décor. Ça fait très série télé quand même. Tu vois, la forêt, tout ça, c'est bien fait, mais tu vois que c'est petit, ils sont resserrés dans un petit espace, un peu comme ils avaient fait avec The Acolyte hein, dans Star Wars. C'est-à-dire que c'est censé se passer dans la nature, mais t'es oppressé. Tu vois que c'est un tout petit décor. Moi, je pense qu'ils ont eu trop d'ambition pour cette série et ils avaient pas les moyens financiers de. Enfin, c'est pas à la hauteur de l'ambition, le résultat. C'est vraiment dommage. Ça aurait pu être une série, pour moi, je trouve exceptionnelle et voilà. Mais en fait, j'ai plus été déçu que j'ai pas aimé finalement. Écoute, pour l'instant, les critiques négatives, elle rejoint ta perception de la série, si j'ai bien compris. Et toi, Benji, t'en penses quoi du coup? Ben oui, je suis d'accord. En fait, les personnages, ils sont complètement déséquilibrés. C'est comment t'as Rio Vidal, elle est mal exploitée. Alors, elle peut Ah ouais, tellement être mieux c'est clair. exploitée que. Et puis, elle arrive tout de suite comme ça, un cheveu sur la soupe dans la route des sorcières. Hein, voilà. Il y a autre chose que j'ai trouvé de méga mal exploitée, d'ailleurs. C'était les sets de Salem. Je me suis dit qu'elle soit là ou pas là, ça change rien à la série, en fait. Ouais, c'est C'est vrai. pas du tout exploité. Puis, elle meurt comme ça. Voilà. Ouais, non, mais il y avait un Hop, hop. potentiel énorme. Allez, à gueule de rue. Oui. Oui, j'aurais cru, tu vois, qu'on aurait pu connaître l'histoire des sets de Salem. Voilà. L'apparition aussi de Ralph, tu sais, qui est joué par Evan Peters, qui dure 3 minutes. Inutile. Enfin, inutile le plus total. C'est juste pour faire plaisir aux gens. Regardez, on voit Evan Peters. Et je trouvais Que j'adore, dommage, c'est qu'on commençait réellement. Qui joue souvent dans la série American Horror Story. Je trouvais ça dommage que les sorcières que l'on suit depuis le début ont commencé à voir leurs capacités et leur caractère que vers la fin, au final. Donc, Ouais. c'est au moment qu'on l'apprécie que la sorcière décédée. Donc, je trouvais ça dommage. Ah Effectivement, ouais, donc c'est vrai. ma critique négative. Voilà, là-dessus. Bon, on a fait le point de cette synthèse de critiques négatives. On va essayer de parler des critiques positives. Voilà, il y en a autant. Alors, la première des critiques positives qui revient, c'est l'ambiance d'Halloween. On en parlait tout à l'heure. Les gens ont beaucoup aimé, puisqu'en fait, la plupart des gens la regardent justement. Et comme tu dis, c'est la bonne période parce que les gens aiment bien les séries de sorcières et que ben, une série de sorcières, c'est idéal à regarder pendant la période d'Halloween. Les gens ont beaucoup aimé. Alors, certes, tu disais tout à l'heure, c'est toujours le même décor, ce que tu disais. Ils n'ont pas dû aller très loin pour les décors, mais les gens ont de manière générale apprécié les décors et les effets spéciaux. Bon, c'est quelque chose qu'on a parlé tout à l'heure, donc on ne va pas forcément revenir dessus. Autre chose que les gens ont aimé, c'est la performance, pardon, de l'actrice qui joue Agatha Harkness, Catherine Anne. Alors, je sais que tu l'aimes, Catherine Anne Olivier. Tu as apprécié sa performance, même si tu n'as pas aimé la série. C'est une très grande actrice, oui. Oui, non, mais elle joue extrêmement bien, mais c'est, je trouve son personnage qui pas mal écrit, mais le coup de ah là je suis méchante en fait, maintenant je suis gentille. On a vu ça 100 milliards de fois dans plein de trucs. Alors moi, j'ai jamais vu qu'elle était gentille. J'ai toujours cru qu'elle était fausse méchante. Nuance. C'est Ouais, peut-être mais un non, peu mais plus si que tu ça. voyais qu'elle était quand même attachée à l'ado, donc tu voyais que c'était sincère. Donc, c'est pas la Ouais. Agatha que tu as vue dans Vendavision. Mais après, généralement, regarde, quand tu fais une série sur un soi-disant méchant, il est généralement pas si méchant que ça au Oui, final. je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est une erreur. Parce que c'est l'héros C'est pas principal. Et faux du coup, méchant. ça entraîne des méchants. Et après, il y a des nouveaux méchants qui sont au final vraiment plus méchants que le personnage principal, en fait. Le vrai Ouais. méchant, c'était Rio Vidal. Au Vraiment. fond, dans Oui, une mais série. sauf qu'elle n'est pas exploitée, tu l'as. Enfin voilà. Elle est méchante Oui, 10 bah, minutes, tout quoi. est. Et de toute façon, en règle générale, dans une série ou un film, Le le plus qu'on fait. personnage principal n'est pas le méchant. Oui. Bon, en tout cas, Oui. il y avait Après. un autre. un autre acteur qui avait, dont les performances ont été saluées, c'est l'acteur qui joue Billy Wiccan, le fils de Wanda Vision, de Wanda Maximoff. Je vais contredire Nadège juste deux secondes, parce que j'y pense. Ça y est, d'être. Une série qui est géniale, qui est sur un méchant et qui est méchant, c'est Le Pingouin. La série est exceptionnelle et il est tout sauf sympathique. Voilà. Donc on peut faire des séries de méchants en les laissant méchants. Un pingouin méchant ? J'ai jamais vu ça, un pingouin méchant. Mais le pingouin dans Batman, oh là là. Oula, ah oui, c'est pas le pingouin de Pingou, voyons. Pingouin. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé, Benji. Voilà. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Tu pouvais te permettre, t'inquiète pas. Et l'autre performance qui sort du lot à part Agatha Harkness, c'était du coup la performance de Joe Locke, qui est celui qui joue Billy Wiccan, qui joue l'ado. Voilà. Où les gens ont beaucoup apprécié ses performances. Alors, Julie, tu as bien aimé la performance de l'acteur dans ce rôle ? Oui, moi, je trouve que l'acteur qui joue effectivement le fils de Wanda Maximoff, il joue quand même pas mal, parce que tu as le truc où il se réincarne dans un corps qui n'est pas le sien. Enfin, c'est vrai que tu suis bien le truc. T'es pris dans le jeu d'acteur sur ça. Enfin, je trouve qu'il a bien, il incarnait bien le personnage, et puis ce qui s'est passé, comment le fils de Wanda a pu survivre à ce qui s'est passé dans WandaVision. Donc non, franchement, j'ai été impressionnée par l'acteur qui jouait ce rôle. Et puis après, Agatha, c'est vrai que l'actrice qui joue Agatha, elle joue très bien. Mais après, peut-être effectivement, comme disait Olivier, elle en fait peut-être un peu trop, mais c'est aussi le fait qu'ils aient, par rapport au scénario, ils aient essayé de la rendre un peu plus sympathique et plus rigolote, peut-être, qui fait que c'est peut-être moins réussi. Je trouve que le rôle qu'il a eu n'est pas évident, parce que jouer le fils de Wanda, c'est pas un rôle facile, je pense. Sachant qu'il est censé rester dans le MCU, c'est quand même une grosse responsabilité qu'il a, cet acteur-là. Nadège, toi, tu as pu réussir la performance de cet acteur-là ou pas ? Ah ouais, je l'ai bien aimé. Il était chouette et tout, et le personnage était sympa et tout, franchement... Non, c'était cool de le suivre et tout, et d'en connaître un peu mieux sur lui, justement, après. Bon, bah écoutez, au moins, c'est un accord avec, du coup, ces critiques positives. L'autre critique positive qui revenait, c'est... alors ça, c'est très subjectif, d'ailleurs, je trouve. C'est l'idée que la série a rendu nostalgique les fans de WandaVision. Voilà. Parce que les gens étaient contents, quand même, de retrouver... Ça n'arrive pas à la cheville de WandaVision. Non, ça n'arrive pas. C'est pour ça que je parle de nostalgie avec WandaVision. Ouais, c'est pas vrai, c'est l'autre critique positive, c'est le fait que on a un épisode 8 et un épisode 9 qui est totalement différent. Un épisode 8 où l'on pense que c'est la fin de la série, où ils sortent de la route des sorcières, etc. Et un épisode 9 qui prend le temps de tout révéler, en fait, les mystères de toute la saison. Alors justement, moi, je trouve ça... Je vous avouerai que j'ai cru que l'épisode 8, j'avais même regardé avec Julie, j'avais regardé si c'était bien l'épisode 9 ou pas sur la tablette. Quand on regardait, je me suis dit, ah, c'est bizarre, il en reste un. Voilà. Donc les gens ont globalement apprécié que le dernier épisode ait permis la révélation de plein de moments sur la série. Voilà. Donc je voulais savoir ce que vous avez pensé, vous, justement, de cette idée de faire un épisode 8, une sorte de faux dernier épisode. Et un épisode 9 qui donne toutes les révélations de la série. Ça aurait été bien si effectivement tu savais pas combien il y avait d'épisodes. Ça tombe à l'eau, parce que justement, comme tu dis, tu te doutes bien que c'est pas terminé, puisque t'as encore un épisode. Donc après, tout est possible. Ils auraient pu faire un dernier épisode qui était une comédie musicale. Enfin bon, ils auraient pu. Ça s'est déjà vu, hein, dans des séries télé, hein. Ou dans les films. Ouais. Dans Buffy contre les vampires, il y avait des épisodes où c'était de la comédie musicale, entre autres, dans Supernatural aussi. Enfin bref, pour moi, c'était pas une surprise. J'ai fait comme toi, j'ai vu qu'il y avait un autre épisode, donc j'ai pas, je m'attendais que ce soit pas la fin. Mais bon, ça, c'est pas un défaut de la série, c'est un défaut du système hein, qui est comme ça. Où maintenant, on vous annonce une série, on sait déjà combien il va y avoir d'épisodes. Alors que ce que je trouve dommage, c'est qu'ils passaient un épisode par semaine, ils auraient pu garder éventuellement le secret. Se dire, il y a 7 ou 8 ou 9 ou 10 épisodes, ça aurait pu être intéressant. Oui, c'est vrai. Mais bon, moi je trouve ça sympa quand même. L'épisode 9 où tu vois toutes les révélations sur pas mal de choses. Donc, notamment l'idée qu'à la base c'était une arnaque, la route des sorcières. Quoi. Je trouvais ça super. Donc, une escroquerie. Voilà. Nadège, t'en penses quoi, toi, de cette critique positive? Bah, Nadège, t'as une drôle de voix. Est-ce que Nadège, vous ne voyez pas, mais elle a sa chatte sur ses genoux. Il voilà. y a Céleste qui vient de donner son avis. Merci beaucoup. Ce n'est pas Olivier qui imite un chat, hein. Je crois que j'ai précisé. Non, je ne le fais pas aussi bien. Pardon. Non, franchement, il était. Non, j'ai plutôt bien aimé ce dernier épisode. Il était top et tout. Et oui, comme tu dis, ça permet aussi, oui, d'avoir un peu plus de. J'ai pas trouvé mes mots. D'informations sur Agatha ou oui justement la route etc. Donc franchement non, top. Et toi Julie? Oui, moi j'ai bien aimé le dernier épisode, le fait que ça explique pas mal de choses, notamment sur le passé d'Agatha et puis ben, le fameux ce qui s'est passé par rapport à son fils. Parce que c'est un peu le fil rouge dans la série, c'est pas trop. Elle en parle, enfin on voit la chambre, etc. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Après, on a l'explication que effectivement son fils, on sait où il est, on sait qu'il est plus, il est décédé. Mais par contre, on ne sait pas pourquoi son fils devait décéder. Enfin, il y a une interrogation, on ne sait pas, c'était son destin sans doute. Mais bon, voilà. Mais effectivement, j'ai trouvé que l'épisode, ça complète bien l'épisode d'avant. C'était pas mal de fonctionner comme ça, de faire un épisode avec un peu on se dit, tiens, c'est fini, il y a un peu un cliffhanger, on se dit, ça se trouve. Il y aura une saison 2, et puis quand on voit l'épisode d'après, on se dit, bah non, du coup, il y aura peut-être une saison 2, mais ce sera peut-être une autre série. Ce sera plus sur Agatha, du coup. Mais non, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, et que l'épisode en lui-même est plutôt pas mal. Et puis, on trouve même que, on trouve qu'Agatha peut être attachante sur la façon dont les choses se sont passées et tout. Bon, après, c'est quand même des trucs horribles, mais à certains moments, on peut s'attacher, être attaché au personnage sur le côté un peu dramatique. Merci. Écoutez, alors, Olivier, à ton avis, est-ce que les critiques positives et négatives révèlent pour toi la réalité de ce qu'est la série, quand on regarde ? Non, moi, je compte. Enfin, je comprends. Je ne compte que les crédits négatifs. Non, mais en fait, moi, contrairement à vous, j'ai pas du tout aimé le personnage de l'ado. C'est pas dû forcément à l'acteur. Enfin, c'est son écriture. Il m'insupportait. Donc en fait, il m'agaçait en fait. Même à la fin. Oui, à la fin, je suis resté complètement indifférent en fait à ce qui se passait parce que là. Je ne suis pas attaché au personnage, en fait. Ok. Donc, est-ce que tu t'es pas attaché au personnage ou que tu t'es pas attaché à la série? Par exemple, si le personnage était dans les Young Avengers avec... Non, mais je trouve qu'il n'y a pas de charisme, je trouve. Quand tu sais que c'est le fils de Wanda, je trouve qu'il manque un côté un peu badass. Enfin, je ne sais pas. Ouais, non, je ne sais pas. Je trouve qu'il est encore perdu. En fait, c'est la C'est le personnage, la manière dont il a été écrit, j'ai pas du tout adhéré. En fait, il m'intéressait pas. Moi, je voulais voir une série sur Agatha, en fait. Et puis finalement, c'est pas une série sur Agatha, ou très peu. Donc, son. En plus, tu avais deviné, et puis c'était tellement évident que c'était le fils de Wanda, que bon, il n'y avait pas de surprise dès le début. Non, le personnage ne m'a pas du tout. C'est le personnage que j'ai apprécié presque le moins de la série, on va dire, à la limite. Donc, en fait, comme tout tourne autour de lui, c'est pour ça que la série m'a pas touché, simplement. Pour moi, je voulais voir une série sur Agatha, quoi. Bah, il y en a quand même beaucoup d'Agatha. Tu vois l'histoire d'Agatha, je crois que c'est l'épisode 8. Tu vois quand même pas mal l'histoire d'Agatha. Ouais, Parce ouais. que pourquoi Rio Vidal lui court après, etc. Mmh. T'as quand même pas mal de choses. Toi, t'aurais voulu par exemple plus le passé d'Agatha, en fait. Pas que ce soit des flashbacks comme ça, comme on a eu. T'aurais Bah, voulu en fait, vraiment une histoire quand tu as une série avancée. qui s'appelle Agatha Harkness, je m'attends que l'histoire tourne sur elle, pas sur le fils de WandaVision. C'est Ouais, tout, hein. j'ai compris. Je m'attendais à un truc, tu vois, voilà. Mais bon. Comme comme la série Loki, en fait, plus quelque chose qui est centré sur le personnage Voilà, Loki, qui c'est vraiment une série sur Loki, dont la quoi. série porte le nom. Ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'Agatha Harkness, ils ont changé le titre, je sais pas combien de fois. Hein. Donc, je sais pas si tu as l'historique, Benji, mais en fait, à chaque fois qu'elle avait été annoncée, ça fait longtemps qu'ils en parlent et le titre était différent. Donc, même eux, je pense qu'ils savaient pas comment l'appeler. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont réécrit C'est vrai plusieurs que fois. ils introduisent le personnage du fils de Wanda Ouais, c'est pour plus ça, en sans fait. doute Ouais. faire une autre série sur lui. Exactement, exactement. Et ils parlent d'Agatha, mais c'est vrai que bah, il y a d'autres personnages qu'Agatha. Et finalement, il y a entre guillemets que le dernier épisode où ils parlent à 100% d'Agatha et ils expliquent un peu son passé. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'épisodes qui est axée vraiment sur elle, et c'est vrai que la série n'est pas essentiellement centrée sur elle, ça c'est sûr. Ah, tout à fait, ouais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me fait penser que l'épisode où tu as le passé d'Agatha, il est super bien. Et Mmh, c'est il est pas dommage qu'on ne mal, connaît pas le père de son fils. ouais. On connaît pas le père de son fils, et c'est dommage aussi qu'on sait Ah, pas pourquoi Rio Vidal surtout voulait avoir que son fils, quoi. vu comment ça se termine, tu devines bien qu'il n'y aura pas une série sur Agatha, une saison 2 sur elle, quoi. Donc, c'est bon, voilà. Dommage. On va dire qu'elle a été mal exploitée pour pas la... elle n'a pas été exploitée dans la façon que tu aurais voulu. Voilà, si j'ai bien compris. Oui, et puis un petit peu mal exploité quand même, parce que comme ce que je disais, je trouve Bon, qu'ils l'ont je vais rendu refaire. trop sympathique. Enfin, oui. Elle n'est pas exploitée comme tu voulais, Oui, mais exactement. vu comment elle a été exploitée, ça t'a pas plu. Du moins, c'était Voilà, mal tout fait, à donc fait, oui, enfin, ça j'ai aurait pas pu ne pas adhéré, te oui, plaire. tout à fait, ouais. Ok. Bon. On va faire un petit point sur. J'ai une question sur chaque personnage, et puis après, on va parler de quelques questions sur la fin et l'avenir d'Agatha. Voilà. Donc, Agatha, Olivier, dis-moi quelle est la scène qui t'a le plus marqué et pourquoi? T'as aimé Agatha, tu le dis toi-même, donc c'est pour ça que je te pose la question. Quelle est la scène qui t'a le plus marqué et pourquoi? Peut-être la scène. Il y en a deux pour deux raisons différentes. La scène d'ouverture dans l'épisode 1 où elle est dans la forêt en tant que policière et elle enquête sur un meurtre où on comprend que c'est le corps de Wanda. J'ai adoré le visuel et l'ambiance. Ça me faisait penser à la série Dark. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix un petit peu. Dans l'ambiance, je me suis dit, ouais, ça va être top. Ils vont nous partir sur le principe de Wanda. Ils vont faire des épisodes où chaque épisode sera comme un épisode de série télé sur un thème différent. C'est pas vraiment ce qu'ils ont fait. Donc, ça, j'avais adoré. Et puis, l'épisode 2, moi, la scène qui est beaucoup plus légère et qui fait très Halloween, la scène où ils essaient d'ouvrir la porte pour passer dans le. Ah, justement avec la voisine, avec Madame Hart, etc., quand ils chantent la chanson. J'ai trouvé ça vraiment génial avec Je me suis dit, ça va être une super série. Et puis voilà. Après, je me suis ennuyé jusqu'au bout. Quand même. Oui, non, mais vraiment. Hein. Après, moi, à partir de l'épisode. Non, mais je... L'épisode 3, je me suis forcé à regarder. Je comprends tout à fait. Ouais, tu l'as fait pour nous, pour le podcast. C'est tellement gentil. C'est non, adorable. Mais après, je voulais quand même par curiosité te voir. Hein, mais, ouais, et bon. Oui, mais bon. Tu as quand même tout vu. Donc, ça s'appelle du courage quand on n'aime pas. Voilà. Julie, toi, quelle est la scène avec Agatha qui t'a le plus et... La scène dans la série ou une scène avec Agatha ou la scène une scène dans la série en général parce que, du coup dans la série en général d'accord moi je dirais que la scène qui m'a le plus plu ou marqué dans la série c'est la scène où elle où finalement elle se sacrifie pour le fils de Wanda et que du coup elle tombe, enfin ça fait comme si elle tombe et puis elle se, enfin je sais pas, se momifie et puis elle le sol, je sais pas, c'était, je trouvais ça pas mal imagé. Après la scène de la mort de la sorcière. Dans la tour là avec les où tu la vois tomber aussi dans le vide quand elle sacrifie elle sait qu'elle va mourir et pourquoi elle se sacrifie ces scènes là je les ai trouvées pas mal assez symbolique je sais pas je trouve que c'était bien fait. Et toi Nadège du coup la scène qui t'a plu le plus? Moi ce qui est drôle c'est que c'est avant qu'Olivier le dise j'ai pensé justement à l'ouverture de la route. Que ce soit le temps de chanson et les premiers temps sur la route que j'ai trouvé très sympa et je trouvais ça très beau aussi la route justement ça faisait un peu féerique et tout donc très sympa et j'ai beaucoup aimé aussi le moment où elles affrontaient tout un peu leur peur etc leur démon quand elles faisaient le test après avoir bu le vin. J'ai bien aimé aussi ce moment-là. Voilà. En fait, la plupart de vos... si j'ai bien compris, la plupart de vos événements préférés, scènes préférées d'Agatha, ça reste au début de la série, si j'ai bien compris. Mm. Ouais, donc... c'est pas tout à fait faux, ce que j'ai dit. C'est curieux, parce que j'ai bien compris qu'on aimait la série dans son ensemble, mais que la scène qui a plus marqué en ce qui concerne Agatha... C'est une des premières scènes au final. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Sans être contradictoire. Alors, Olivier, pour ce qui est de Billy, quelle est, du coup, la même question, quel est ton moment qui t'a le plus étonné, surpris, ou qui t'a plus marqué dans la série? Billy, attends, j'ai un trou de mémoire, j'ai du mal avec les prénoms. C'est qui Billy exactement? C'est le fils de... Ah bah, ouais, c'est l'ado? Oui. Ouais, parce qu'en fait, il appelle tout... C'est l'ado, c'est ça? Oui, c'est l'ado. C'est pas Billy qui s'appelle, je crois, non? Je sais plus. C'est pas Tilly. Si c'est Billy Maximoff, c'est Billy et Tommy Maximoff, les fils de. Il me semblait qu'il s'appelait Tini, je crois. Bon. Enfin, c'est pas grave. Oui, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, en fait. Il m'a laissé complètement indifférent. Je n'ai pas de moment fort avec lui. Quand la scène, par exemple, tu vois la scène où. On peut s'imaginer qu'il est méchant. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans la forêt, où il commence à prendre face à Agatha ses pouvoirs. C'est quand il met tout le monde. Ouais. Voilà, il était censé faire peur. Pas du tout. En fait. C'est vrai que c'était un peu une publicité mensongère, parce que l'épisode, c'était il est méga vénère. Tu t'imagines que ça va être la surprise, ouais. Si ça va être un méchant. Et en fait, bon, l'épisode suivant était un peu... Et puis... Ouais, non, tu vois, là, par exemple, je trouve que ça le fait. Enfin, il n'était pas crédible. Je pense que... Non, je te dis, ce personnage, c'est celui qui m'a le moins... qui m'a le moins intéressé. Là. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas aimé, je pense, la série. Mais moi, j'ai juste l'impression, là, en regardant la série, que la série s'appelle Agatha All Along. Et des fois, je me disais que l'ado prenait tellement. Bah oui, c'est une série sur lui. Hein. Dans un épisode, qu'à la fin, ils auraient dû l'appeler, je sais pas, Billy All Along, tu vois. Ouais, non, mais c'est. Ouais, mais tout à fait, ouais. Des fois, je trouvais qu'il prenait trop de place. Tu trouvais pas, toi, Nadège, que des fois, Billy prenait trop de place dans la série? Mais c'est vrai que oui, comme vous disiez, et comme disait Olivier, c'est vrai qu'au final, la série portait limite plus sur lui que sur Agatha. Tout tourne autour de lui, ça. Finalement. Et même en plus, à la fin, il pense que c'est lui, justement, qui a créé la route. C'est vrai. Donc, limite, tu dis qu'en fait, tout... Bah, c'est lui qui a créé la route. Oui. Oui, c'est lui. Tu penses, c'est que c'est lui, au final. Il a fait comme sa mère qui a créé le ex, quoi. Et je dis, toi, t'as un moment où t'as apprécié avec Billy Wogan? Est-ce que j'ai un moment précis? Tu vois, pas forcément, non. Je cherche. Comme quoi Mais après, si est-ce qu'il y a vraiment un moment fort avec le personnage? Non, je trouve. Parce que bon, non, la scène où du coup, elle essaye de, enfin plus vers la fin du coup de la série, je trouve que lui, il ressort pas forcément. Après, si, ce serait peut-être la première fois où on se rend compte que c'est lui dans la forêt, mais bon, c'est vrai que ça retombe un peu sur l'épisode d'après, quoi. Non, mais c'est vraiment une erreur de casting, en fait. Ils auraient, enfin, pour un tel rôle, ils auraient dû prendre, par exemple, l'acteur là, qui a fait un caméo, qu'on voit dans American Horror Story, je suis oublié le nom de cet acteur, Evan Peters. Voilà. Tu vois, ça c'est le type d'acteur qu'ils auraient dû prendre parce que il peut tout jouer, il peut avoir un l'air angélique et puis la seconde d'après il peut vraiment t'effrayer. Alors que lui, je pense que c'est un jeune acteur et quand il était soi-disant badass, enfin excusez-moi, mais ça, limite il me faisait rire, il n'était pas crédible, quoi. Donc il est trop jeune, je sais pas, il est trop angélique. Oui, c'est vrai qu'il est plus il est plus attachant ouais, voilà. Et il paraît gentil. Oui, c'est tout à fait. On ne se dit pas il va faire un méchant. Oui, c'est pas crédible. Badass, ouais. On n'y croit pas. Non, c'est vrai que là-dessus, sur cet aspect-là, oui, je trouve qu'il est pas non, il a pas assez, peut-être pas assez de charisme, ou alors c'est, je sais pas, son visage qui est trop en fond. Oui, mais à la limite, dans les deux, trois premiers épisodes, ça allait bien avec son rôle, enfin avec où jouait un adolescent naïf. C'est plus petit délinquant, quoi. Sinon. Voilà, donc là, ça allait très bien, mais après, effectivement, plus t'avances dans la série, plus ça va pas, quoi. C'est vrai qu'il a pas il a pas le même jeu d'acteur que. Non, le charisme voilà, d'Evan Peters. À la limite, c'est le héros de la série. Voilà, fallait prendre un acteur qui la trempe d'Evan Peters, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, qui avait plus d'expérience, plus de poids, enfin plus facile de jouer ce genre de rôle, des rôles un peu avec des twists et des côtés ouais, un peu border, mais c'est sûr que. Ils ont pris un acteur trop jeune, je pense. Mais après, il fallait jouer un ado, donc c'est pas évident. Hein, mais... Après, Evan Peters, il est peut-être un peu trop vieux pour jouer l'ado maintenant, je sais pas. Bon, Evan Peters, en début de sa carrière, il a toujours été exceptionnel. Hein, C'est un exemple, en fait. Hein, mais c'est le type d'acteur qu'il aurait fallu, quoi. Quelque chose... Ah oui, bah c'est sûr. Après, là, on a repris American Horror Story, et c'est vrai que dans certaines saisons il est vraiment il a vraiment un rôle un rôle phare dedans où tu sais pas si vous avez vu Dahmer, mais dans Dahmer il est exceptionnel, hein. Vous l'avez vu Dahmer? On n'a pas regardé cette série là. Je conseille vraiment, c'est son meilleur rôle, donc si vous l'aimez regardez-le. On regardera, il n'y a pas de problème. Ça c'est sur un serial killer, je crois. En plus, c'est une histoire vraie, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, cette série. C'est sur Netflix. Mmh. Souvenir. À regarder d'urgence. Alors moi, le moment que j'ai bien aimé, alors c'est pas un moment d'action, c'est le moment où on découvre comment Billy prend le corps de ce fameux William. Et du coup, tu fais ah bah c'est comme ça que Billy est arrivé dans vraiment sur la Terre en fait. C'est que William de base c'est un ado lambda. Il y a l'accident et Billy prend possession du corps, si vous vous souvenez. Mm. Vu que Nadège, tu l'as vu récemment, tu dois t'en souvenir du coup. Ouais. Et c'est, en fait, c'est ce moment-là où je dis ah, bah voilà comment. Il n'est pas. C'est pas, il n'est pas. Il n'est pas. Il n'a pas été créé par Wanda. Elle n'a pas créé d'être humain, en fait. Il était, c'est le Billy qu'on a vu dans le X qui a été projeté dans l'ado. Tu t'en souviens ou pas, Olivier, de ça ? Peut-être pas. Si, si, oui, oui, mais j'avais oublié, mais ça m'est revenu quand on a parlé, mais effectivement, j'avais zappé. Je trouvais ça l'idée pas mal. Je trouvais l'idée pas mal. Et quand il dit on va à la recherche de Tommy, je lui dis bah, du coup, Tommy dans un autre corps. Et on a quelques indices dans la série où serait Tommy. Voilà. Bon. 3-4 questions et après, les amis, nous allons pouvoir clôturer. La première question que je vous poserai. On va commencer par Olivier, même si tu n'as pas apprécié forcément la série. Je te pose quand même la question. Qu'as-tu pensé de la conclusion de la série ? Pour rappel, comment elle s'appelle ? Agatha se sacrifie en embrassant la mort afin que Billy puisse vivre. Et plus tard, un peu plus tard, Agatha apparaît en fantôme. Mmh. Alors pour information, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est déjà le cas dans les comics. Puisque Agatha Harkness apparaît souvent sous forme de fantôme. Elle est ressuscitée, elle redevient fantôme, elle est ressuscitée. Bon, il y a un jeu comme ça. Et notamment dans le... Ah, j'ai le nez à la maison. Dans le Wanda, bah, la route des sorcières, c'est le comics avec Wanda. Eh bien, elle est là en fantôme, Agatha. Elle va conduire Wanda dans la route des sorcières en fantôme. Bref, il faut savoir, c'est qu'Agatha, c'est un mentor. Mais j'en ai déjà parlé, je crois. Voilà. Donc, voilà comment finit la série. Voilà. Alors, Olivier, question, est-ce que la fin t'a satisfait ou du moins est-ce qu'elle t'a convenu même si t'as pas apprécié forcément la série ? Pas du tout. J'ai trouvé le visuel d'Agatha en fantôme ridicule. Mm-hmm. La façon dont elle joue, c'est ridicule. On dirait une scène de SOS Fantôme. Les cheveux blancs ? Ouais, non, franchement. Enfin, visuellement, pour moi, complètement raté. C'est, enfin, je sais pas, c'est... C'est presque irrespectueux au personnage original, je trouve. C'est, le voir se terminer comme ça, franchement, tu vois, ça m'a fait un peu penser à, tu vois, le film que tu adores, Madame Web. À la fin, quand tu vois la vraie Madame Web, tu vois la vraie Madame Web à la fin du film. Non. C'est une catastrophe, la représentation qu'ils en ont fait par rapport aux comics. Et ben là, c'est exactement pareil, c'est complètement raté. Je ne connais pas ce film. C'est quoi ? Tu le regardes en boucle sur Canal+, je suis sûr. Mais tu sais que quand tu me parles de Agatha, j'ai l'impression de me voir en train de regarder Madame Web. Ah bon ? Non, c'est pas pire. Attention, c'est pas pire. Non. Tu l'as vu Madame Web, ton année ? Bah oui, je faisais partie des peu de personnes qui avaient aimé. Mais est-ce que tu l'as revu ? Ah, revu, non. Non, j'ai vu qu'il était passé sur Canal+, mais non. Tu l'as pas revu. Nadège, du coup, est-ce que toi, à la fin, t'as satisfait ? Excuse-moi, Olivier, vas-y. Donc, toi, c'est pour te dire qu'à la fin de Madame Web, quand ils font la représentation de Madame Web, la vraie, dans la comique, tu rigolais. Pas ce film, mais vas-y. Vraiment que c'était ridicule. Et ben, j'ai failli. Enfin, moi, j'ai hâte d'avoir votre avis, mais franchement, la représentation d'Agatha en fantôme, moi, ça m'a choqué. Moi, j'ai bien aimé. C'est vraiment. Bon, tant mieux. Tant mieux. Non mais oui, tant mieux. Bah oui, heureusement. Moi, j'ai bien aimé parce que je voulais. Pour moi, l'histoire d'Agatha était terminée en fait à la fin de cette série. Elle est morte. Point. Basta. Etc. Et en fait, le fait de l'avoir fait ressusciter entre guillemets en fantôme, ça m'a fait penser aux comics où elle était comme mentor. Et là, je me dis, ah, c'est une bonne fin parce qu'en fait, ils vont pouvoir l'utiliser autrement que comme une fausse méchante. Tu vois. Et j'étais content qu'elle ait un nouveau rôle maintenant. Comme un fantôme dans Scooby-Doo. Du coup, là, je pense qu'elle aura un rôle de mentor. Comment ? Comme un fantôme dans Scooby-Doo, un peu. Ah, merde. Non, oui, c'est mais pas n'importe quel fantôme parce qu'elle peut toucher les choses. Oui, non, elle mais peut je... toucher les choses. Si t'as remarqué. Mais parce que c'est la sorcière des esprits. Voilà, c'est pour ça. Céleste. Mais arrête voilà, je pense que. C'est... Pardon, j'ai le chat qui appuie sur... le chat qui appuie sur des boutons sur l'ordi. Chut. Et donc, ce que j'ai apprécié, moi, c'est que dans cette conclusion, j'ai bien aimé, parce que c'est la fin d'une Nagata. Il y a une nouvelle Agatha qui est ressuscitée, mais pas vivante. Mmh. Elle est ressuscitée en fantôme. Et je suis content parce que je me dis que peut-être qu'elle va participer avec Billy Wigan. Et t'as été satisfait du visuel et de la façon dont elle se comporte? Non, bah non, c'est dégueulasse. J'aurais cru que c'était Ghostbuster aussi. Mmh. Ah, bah voilà, bah, c'est, pourquoi tu dis pas Ghostbuster. D'accord. Tu m'as posé la question, je te réponds. Ouais, mais non, parce que je pensais que t'étais content du rendu visuel. D'accord. Tu me rassures. Non, je suis content du rendu du personnage, mais pas du. Oui, oui, oui. Effectivement. Déjà, je l'ai pas aimé avec les cheveux blancs là. Ils... Ouais, non, puis elle joue. Bizarre, ils essayent de garder. Et puis et je te cache pas que s'ils gardent, s'ils la gardent en fantôme tout le temps, ça va être tendu. Ça va pas le faire. Hein, si elle... ouais. Ouais. Donc, et toi, Nadège, du coup? Bah moi, je trouvais que ça allait. Parce que la fin, t'as satisfait. Franchement, ça va. C'était un peu drôle de la voir revenir parce que, comme tu disais, on s'y attendait pas vraiment. Donc, pardon. Non, mais franchement, non, la fin. Les gens bon, pas, c'est vrai que Céleste est en train de nous regarder. À travers... Céleste est en train de... La chatte de Nadège nous regarde par le biais de la webcam. Du coup, on a... L'animal, hein, précise. Ouais, l'animal, je précise. Non, c'est vrai que la version fantôme, c'est sûr qu'elle n'était pas ouf. Graphiquement et tout, mais bon après le personnage c'était cool de la retrouver et voilà, on verra ce que ça va donner dans les séries suivantes qui vont l'avoir. Bah, je vous l'annonce, le scoop, elle va être dans l'adaptation live de Scooby-Doo 3. Scooby-Doo avec contre ça. Agatha, ça va s'appeler. Mis sur Agatha. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est quand même un chef-d'œuvre par rapport à Madame Web. Cette série. C'est autant n'emporte le vent, c'est du Stanley Kubrick. C'est tout, tout est un chef-d'œuvre par rapport à Madame Web, c'est ça le truc. Je croyais que Venom était le pire, mais en fait, t'as pire que Venom. Ah, Miss Marvel, c'est quand même pas mal. Donc, ouais, mais. Ça passe quand même. Ça passe vite fait, mais ça passe. Julie, toi, est-ce que tu as la conclusion de la série, t'as satisfait? Oui, bah moi j'ai bien aimé. Hein. J'ai déjà dit avant que j'avais bien aimé le dernier épisode. Après, bon, la représentation d'Agatha en fantôme, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Oui, moi c'est vrai que le fantôme aux cheveux blancs, je sais pas pourquoi. Pourquoi il la représente aux cheveux blancs alors que, ben, je sais pas, ça me paraissait un peu étrange. Pourquoi c'est forcément un fantôme, forcément les cheveux blonds, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et puis oui, le graphiquement, c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux, à mon avis. Mais, peut-être qu'il faudrait qu'ils améliorent ça s'ils gardent le personnage en tant que tel pour la suite. Seulement en fantôme et pas en réapparition, entre guillemets. Mais sinon, oui, moi, globalement, j'ai bien aimé le dernier épisode. Mais après, voilà. Effectivement, comme dit Olivier, il y a pire que cette série-là, mais c'est bon. Peut-être pas prendre les extrêmes non plus. Hein. Je demande s'il n'y a pas pire que Madame Web. Je viens de penser. Le Catwoman avec Alberi. Oui, ça c'est quand même exceptionnel. C'est. Là, le film aussi avec Madame Web, c'est presque un chef-d'œuvre à côté. Hein. je crois que tu peux pas faire pire que ce film. Heureusement qu'il y a. Il n'y a pas le film aussi avec Jennifer Garner là. C'est un chef-d'œuvre à côté. C'est un chef-d'œuvre. Electra. Non, c'est un chef-d'œuvre. Electra, c'est un chef-d'œuvre. À côté de Catwoman, c'est. Ah non, c'est Catwoman, je crois que tu peux pas faire pire. Il y a Halle Berry, c'est le seul point positif du film. Non, si t'as pire, t'as Madame Web. Ah non, non, non, je t'assure, non, non, re-regarde Catwoman, c'est pas possible. Écoutez, non, je te propose, c'est qu'on fasse un. on fait tous les deux. Je vais faire un. En commentaire, je vais faire un sondage et les gens vont dire c'est quoi le pire, Catwoman avec Mary ou Madame Web. Ah non, non. Avec Jolan. Avec... On va devoir obligé de faire un podcast pour ça. Ah, allez, bien. Ouais, c'est un podcast là-dessus. Alors, encore deux petites questions et après, on va pouvoir clôturer. J'aimerais bien savoir, bon, même là, on va un peu passer la série. Après cette annonce, alors, la série se termine où Agathe a dit allons chercher Tommy ensemble. Voilà. Donc, comme je vous dis, pour moi, c'est la renaissance et aussi l'image de la renaissance d'une nouvelle Agatha. Olivier, comment tu vois l'avenir d'Agatha et de Billy, parce que maintenant ils sont tout le temps ensemble, je pense, dans le MCU. Est-ce qu'on va les revoir? Où, quand, comment, pourquoi? Dans Madame Web, peut-être. Je pense qu'ils voulaient faire un teen Avenger, là, un peu, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, le Young Avengers. Le Young Avengers, voilà, je confondais avec Teen Titan. Donc clairement, je pense s'ils le font, il sera dedans. Et c'était le but du truc, c'était de l'introduire comme la série Hawkeye. Hein, la jeune fille, c'était aussi pour l'introduire dans le gros projet qu'ils ont un peu laissé tomber entre temps, des Young Avengers. Donc je sais pas. Je pense qu'ils vont plus ou moins annuler les Young Avengers, ils vont un peu les intégrer avec les Avengers classiques, je pense, dans les prochains. Je pense qu'ils feront une petite apparition, ils iront aider les vieux, si on peut dire. parce que le projet Young Avenger, on n'entend plus du tout parler, donc je pense que c'est plutôt mis de côté pour le moment. Ah non, pas du tout. Non, ah d'accord, non, je n'entends pas du tout parler. Je crois que je n'ai même pas vu dans le plan. Je vais t'envoyer une vidéo où tu as Kate Bishop, America Chavez, et puis comment elle s'appelle, celle qui joue Miss Marvel. Miss Marvel, qui parlent tous les trois à table. En fait, je vais t'envoyer une vidéo. Ouais. C'est encore d'actualité, hein, même fraîchement d'actualité. Ouais. D'accord. Bah, en fait, oui, je pense que comme. Ouais. Vas-y, dis-moi. Bah, en fait, je pense qu'ils se sont posés des questions parce que ça allait pas trop bien le MCU et comme cela, c'est un peu bien reparti avec Agatha qui apparemment a bien marché, Deadpool qui a cartonné. Donc, effectivement. C'est possible qu'ils remettent ça dans les tuyaux, oui. Mais de toute façon, Young Avengers, je crois qu'ils vont pas en faire un film. Je crois que l'idée, c'est d'en faire une série. D'accord. La question que je me pose, je pense que c'est une meilleure une idée. Série. Est-ce qu'ils vont faire une série Young Avengers, tu vois, qu'ils vont appeler comme ça? Ou est-ce qu'ils vont prendre une série, genre la série Miss Marvel, et puis, tu sais, la faire recruter ou faire un nouveau? Parce qu'ils ont annoncé aussi une saison 2 d'Okai. Alors, est-ce que c'est pas Kate Bishop qui va recruter? De toute façon, je pense qu'il vaut mieux qu'il fasse en série, ça marchera pas au cinéma. Oui, bah, regarde, il y a une super série qui marche. C'est Titan. J'adore. Ouais, Netflix, oui, Titan sur Netflix, ouais, qui est génial. Mm. Ouais, qui n'a rien à voir avec les Teen Titans comme on connaît. Quoi. C'est plus des pré-ados. Enfin, ils sont quand même jeunes. Quoi. Mm. Oui, tout à fait. Oui, j'aime beaucoup. Enfin, surtout la première saison, elle est géniale. Les jeunes qui... mm. Oui, la première saison est géniale. Même la 2. C'est avec Deadpool, là, c'est la 2, je crois. Avec Deadpool, avec... pas Deadpool, comment ça s'appelle? C'est DC, attention. Oui, je sais plus. Bref, et j'adore. Bref. Bah Robin et Batman, il y a Batman. Et toi, Nadège, genre... Oui. comment tu... Je suis arrivé. Comment tu vois l'avenir d'Agatha et de Billy dans le MCU? Bah sûrement avec de nouvelles quêtes. Alors, est-ce qu'il ferait pas une série en allant chercher justement Tommy et avec justement des embûches, etc. Ça peut être... Vu qu'ils ont l'air d'être partis pour faire ça. Bah, du coup, peut-être pas une saison 2 d'Agatha, vu que ce sera plutôt... Vu que ce sera plus elle le personnage principal. Bon, même si, comme on disait, c'était pas vraiment elle, au final, le personnage principal de cette série, mais... En tout cas, pas la seule. Mais moi je vois pas un truc marcher avec enfin je sais pas. Je suis pas sûr que le public soit demandeur des Young Avengers, mais je sais pas. Je me trompe peut-être. En série, ça pourrait marcher, effectivement. Si c'est bien fait. Ça, c'est moi je pense que c'est en série. Ça va pas être en film. C'est pas possible. Je les vois pas. Je pense même qu'ils vont faire une série parallèle un peu à l'histoire du MCU. Ça va être toujours le MCU, mais c'est un peu en parallèle. Oui, ou je te dis, ils vont être intégrés avec les Avengers aussi, peut-être. Ouais. Tu sais, un mélange des deux, ça pourrait être pas mal. Ouais, je suis pas sûr. On verra. Ouais, on verra. Et toi, Julie, comment tu vois l'avenir d'Agatha Harkness et de Billy dans... Bonne question. Moi, je pense, enfin, je suis un peu de votre avis, je pense pas que ça va être un film, mais plutôt une série. Une autre série qui sortirait avec qui serait axée du coup sur le fils de Wanda. Et puisque, comme tu disais dans les comics, c'est un personnage à part entière et il fait partie des super-héros comme d'autres. Donc ça paraîtrait pas surprenant qu'il puisse avoir cette idée-là. Et garder Agatha comme un guide, effectivement, de la série qui va l'aider à retrouver son frère si c'était le. Si on, effectivement, on suit la première série, enfin, par une autre série, mais ça serait la suite de la première. S'il repartait sur l'histoire de base, après, je sais pas, sinon ce serait complètement autre chose, mais pour le coup, ce serait très logique, mais. Est-ce qu'ils vont exploiter ça d'une autre manière? Je ne sais pas. Après, moi, je dirais ça. Après, effectivement, il y a toujours la possibilité d'avoir des nouvelles personnes chez les Avengers. Mais... Je ne sais pas. Je pense que tout est possible. Hein. Bon, l'idée, on l'avait déjà pour ma part, c'est que je pense que ça va être un mentor, un guide spirituel pour Billy et qu'il va à la recherche de Tommy, pardon. Et puis je pense qu'elle va être importante puisqu'à un moment donné, il y aura, je pense, les retrouvailles entre Wanda, Vision et les enfants. Et je pense qu'elle sera là. Donc elle sera indispensable. Alors, je dirais pas qu'elle fait office de nourrice, mais guide spirituel, nourrice, mentor, enfin. On verra bien. Et je pense qu'elle aura un impact aussi chez les Young Avengers. Donc, vu qu'il est censé avoir Billy Wiccan dans les Young Avengers, elle va être présente, je pense. Pour au moins être sorte de guide spirituel pour au minimum Billy Wiccan. Et puis peut-être pour les autres, mais voilà. Mais l'idée que ce soit un mentor, on le voit bien, et c'est déjà dans les comics en plus. Donc, à la base, c'est la mentor de. Alors, à la base, c'est la nourrice du fils de Reed Richards. Mais après, elle devient vite la mentor de Wanda. Du coup, là, c'est Billy. On verra. Bref, on verra. Voilà pour cet épisode sur Agatha Harkness, Agatha All Along. Avant de conclure dessus, les amis, petit point sur les dates de sortie des prochaines séries. Tenez-vous bien. Asseyez-vous. La prochaine série sera Olivier sur Disney+. Devine. Une série que tu Tu as bien parles aimée. de Marvel, tu parles? Oui, ah oui, Marvel, oui. C'est quoi le sujet du podcast, Olivier, tu te réveilles ou... Ah non, je suis même pas au courant des nouvelles séries qui sortent Marvel, tu vois. D'accord. Bon, alors je vais Je te me dire suis pas dans renseigné. l'ordre et vous me dites à tout patte. D'accord? Vous êtes prêts? Mmh. La dernière de la dernière saison 3, le 22 décembre. Avant Noël, donc dans bientôt. What If saison 3. Hâte ou pas, Olive? Pâte. Ah, il a dit Pas du hâte. tout. Vous entendez, il a dit Non, hâte. pas du Hâte tout. du tout. Hâte du tout, il a dit Pas du tout. Il a dit hâte du tout. Nadège, what if? Saison 3, oui. T'as hâte ou t'as pas hâte? Et du coup, tu as. T'as pas hâte ou t'as hâte? T'as hâte ou t'as pas hâte? J'ai déjà pas regardé la saison 2, j'avoue. J'ai Ok, bah commencé, je mais coupe le j'ai micro, c'est pas. réglé. Mais il y a la Bon. meilleure. Il y a Captain Carter. Ok, C'est la je vais meilleure de m'y toutes. remettre. D'accord. Julie, what if, saison 3. Oui, ça peut être bien la saison 3. J'avais bien aimé les autres saisons, donc oui, pourquoi pas. Regardez ça. Daredevil, Born Again, Olivier. J'ai peur. Parce que c'est l'homme sans peur, c'est pour ça. Non, Parce... j'ai peur qu'il se... Enfin, j'ai tellement peur qu'il se foire, J'ai tellement adoré la série sur Netflix. Je sais pas. Je pense pas qu'il soit. Non, ils sont confiants. Même Charlie Cox est confiant. Donc, oui, enfin, voilà. Il est confiant parce qu'il a un gros chèque. Non, non, bah, j'espère. Parce qu'il garde le même acteur quand même. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une suite. Hein. Bon. D'accord. Ah oui. C'est la suite de la série sur Netflix. Voilà, c'est ça. C'est avec les mêmes acteurs, les mêmes personnages, etc. D'ailleurs, après, au départ, ils avaient plus ou moins changé de ton. Ils se sont rendus compte de leur erreur et ils ont tout retourné. Hein. Donc, ils ont refait la série à zéro. Donc, a priori, c'est vendu comme étant vraiment dans l'esprit de, comment dire, de Netflix. Et puis, comme tu vois ce qu'ils ont fait avec Deadpool 3, où ça a intégré le MCU et c'est très trash, comme dans le comics. Donc, je pense que ça va être bien. Oui, je pense aussi. Mais je crois qu'ils avaient tourné sur le ton de l'humour de base et après ils ont dit non, on va faire. Oui, bah, un peu comme il était à Pérou dans chez Hulk. Tu vois, quand il était dans chez Hulk, il était un peu plus léger, tout ça. Ils avaient dû faire un truc un peu trop humoristique, je pense. J'espère qu'on va la revoir chez Hulk. Oh, j'espère. Du coup, la date, parce que j'ai pas entendu. Mars 2020. C'est courant en mars. Ensuite, après Daredevil, Ironheart. Donc, qu'on a vu avec Riri Williams, c'est Ironheart, c'est celle qu'on voit dans la série Wakanda. Non, la série, dans le film Wakanda Forever. Le 6 août donc 2025, Eyes of Wakanda. Vous savez de quoi ça parle, cette série, ou pas? Eyes of Wakanda. Non, pas du tout. Non, je sais pas. Bah après, enfin je sais pas, il est censé être mort, celui qui est l'autre, sur Shuri. Ouais, c'est sur sa sœur, non, du coup, ouais. Sur Shuri. Oui, c'est sur Shuri, c'est ça, on est d'accord. Ou c'est avant. Non, c'est juste sur le monde du Wakanda, c'est tout. Voilà. C'est drôle. D'accord, bon. Oui, monsieur. Ok. Voilà. Non, pas du tout. Ça vend pas du rêve en tout cas. Non, ça vend pas du rêve. Mais attends, t'as une autre série. C'est sur son voisin de palier, en fait, on le connaît pas, mais voilà. Ça va être super intéressant. Et sinon, c'est tout ce qui est. Donc on rigole. Non, il y a Marvel Zombie après, en octobre 2025. Alors pareil, ils ont choisi la période d'Halloween, tu vois, pour Marvel Zombie. Mais ça peut être pas mal, ouais. Il avait déjà fait dans What If un peu. Oui, c'est justement le saison 1. C'est pas une série, enfin c'est un animé alors. Oui, ça sera sous forme d'animé, je pense, non? Oui, mais ça va être un What If. Oui, c'est sous forme d'animé, effectivement. Ouais, ça. Mais je sais pas comment ils vont le traiter, s'ils vont le traiter comme les comics ou pas, mais je pense pas. Je pense pas qu'ils vont le traiter comme les comics. Je les vois pas faire ça, en tout cas. Et enfin, alors il y en a un qui ne m'attire pas du tout, c'est décembre 2025. C'est Wonder Man. Alors, je sais pas quoi trop en penser. C'est le mari de Wonder Woman, c'est ça? Mais non, Wonder Woman, c'est dans DC Comics. Oh là là. Julie. Bref, je préfère pas en parler. Pour ce qui est des films, alors là, on va être gâtés ou pas. On a Captain America en février 2025. Ça, oui. J'ai trop hâte, Oui. Ouais. Et... Bref. Voilà. Et Thunderbolt, alors ça aussi j'ai trop hâte. Ça a l'air pas mal. Ça aurait été mieux en série, je pense. Bon. Ah ouais, d'ailleurs, quand tu vois la bande-annonce, je trouve que ça me fait envie, hein, mais j'ai l'impression que point de vue visuel, tout ça, ça fait plus rendu série télé. Mais bon, après. De toute façon, la barre, il faut que ce soit mieux que Madame Web, et il faut que ce soit mieux que Suicide Squad. Comme ça, ça va. Parfait. Ouais. Suicide Squad, le deuxième, est génial. Hein. Avec Idris Elba. Parce qu'il y a John Cena. Je préfère aussi avec ce qu'il y a John Cena qui joue Peacemaker. Mais il est... Oui, tout à fait. Ouais. Celui-là, il est génial, hein, le 2. Hein. Celui qui a fait Gardien Galaxy. C'est mieux que le 1, la série Marvel, je pense qu'on attend tous avec impatience Daredevil, si j'ai bien compris. Il n'y a que celle-là que j'attends. On attend moins T'attends pas, même pas Ironheart? Même pas un peu? Non. Non. Bon, Non, ce je vais pas. Déjà sur le papier, j'ai pas trop envie de le voir, donc ça a intérêt à être. Après, ça, la série peut être bien, mais il faut qu'ils assurent. Hein. Je comprends bon, pas ok, le. C'est alors comme pourquoi Wonder tu Man. préfères? Enfin, je veux dire, ça sent le bide à plein nez déjà à la base. Ils adaptent des super-héros dont tout le monde n'en a rien à faire, quoi. Enfin, c'est quand même étonnant, quoi. Enfin, c'est des super-héros qui sont pas forcément populaires, donc ça. Ouais, c'est ça, oui. Donc, Après, Wonder Man, c'est. t'as pas envie de le voir à la base, donc c'est étonnant. Après, ça peut être bien, Bah hein. après, je pense que moi, j'ai l'impression qu'ils ont tourné plein de séries, et que en fait, du style, il faut se dépêcher de les sortir, c'est de les purger, un peu comme Echo. C'est vite, on le sort comme ça. On avait déjà parlé, mais Echo, genre, on sort les 10 épisodes d'un coup, comme ça, c'est rigolo. Oui, parce que c'était pas J'ai assumé, ils l'impression qu'en savaient que fait, ça marcherait pas, et puis c'est tourné, voilà. c'est C'est payé. tourné, c'est fait, c'est payé, voilà. Après, tu as des Voilà, soucis, on le sort avant. il y a des histoires, hein. Bon, c'est dans le monde de DC Comics, mais je ne sais pas si tu te rappelles, ils avaient tourné le film Bad Girl, tourné, hein. En plus, c'était pour Non, les c'est la réalisateurs. série. Non, c'était un film. C'était C'est la un film. série. Non, non, C'était c'était pas un la film. série qu'ils avaient fait. C'était un Enfin, pas film c'était la série. qu'ils avaient tourné avec les réalisateurs qui ont fait les derniers Bad Boys avec Will Smith. Le film était tourné et tout, ça a été complètement annulé de sortie, tout ça. C'est Warner qui a fait ça pour pouvoir toucher les assurances. Donc ça avait fait Oui, mais polémique. effectivement, Voilà. je suis sur Donc l'internet. des Mais fois, alors ça Warner a vaut annulé le plus le film. coup d'arrêter totalement sortir le film parce qu'en fait, C'est ce qu'ils disent. ils récupèrent de l'argent avec les assurances. Ils veulent. C'est ça. Quand ils disent qu'il faut éviter pour. Je suis sur l'article que tu dis là. Et la décision, en fait, de ne pas diffuser Bad Girl était faite pour éviter l'échec commercial. Oui, et puis il y avait des histoires, je te dis, avec Oui. les contrats qu'ils avaient passés avec l'assurance. C'est-à-dire qu'ils récupéraient leur argent, ils gagnaient de l'argent en tout cas, s'ils le sortaient pas, en fait. Enfin, c'est un cas un peu particulier. Le casting, c'est un super casting. Mais en plus, il paraît que le truc était pas mal, hein. C'est dommage. Bon, il y a plein de trucs comme ça. C'est comme le fameux film Gambit qu'on a toujours voulu avoir et que c'est Ouais, Samuel Jackson il qui a apparaît toujours dans voulu Deadpool. avoir aussi et qui est. Ouais. Tu l'as vu au fait? Deadpool Wolverine ou pas? Oui, j'ai vu. Ouais. Et tu dis, enfin, il pourrait tellement l'exploiter. Oui, bah, y a de quoi faire encore. Bref, et enfin, donc, du coup, là, on va attendre, et pour conclure, en tout cas, ce qui était prévu, c'est que la prochaine série qui traite de la famille Maximoff, on va dire, c'est Vision Quest, et ça, je ne sais plus quand est-ce qu'elle sort. Tournage en 2025 pour une sortie en 2026. On aurait en 2026, on va dire, troisième partie de Wanda Maximoff, on verra ce que ça va donner. En tout cas, on ne verra pas, je pense, Agatha avant, ni Billy Weekend, ou sauf exception, mais avec ce qu'on a vu en série et film, je ne vois pas quand, à quel moment ils apparaîtraient, en tout cas. Donc, non, je réfléchis. Non. Non. Non. Bon. On verra ce que ça va donner. En tout cas, merci Nadège. Avec On te plaisir. retrouve sur les réseaux. Merci Yeah. à ta chatte aussi d'avoir participé. Gracieusement. Miaou. Elle vient pas Voilà. dire au revoir, Voilà. hein. Désolée. Voilà. Elle va pas venir, au revoir. Non, allez. Elle est mal dressée. C'est ça. Donc, en tout cas, on te retrouve sur Instagram. Je vais mettre le lien Olive in Wonderland Oui. qu'on retrouve sur YouTube YouTube. aussi. Et sur les YouTube. plateformes de podcast aussi. Oui, parce qu'il fait un podcast. Un podcast. Un podcast Magic Mouse Paris qui est trop bien. Voilà. Et que ben je vous invite à l'écouter. Voilà. En fait, les deux vont de pair. Voilà. Voilà. Le mien et le sien. Voilà. C'est C'est très bien. Voilà. obligatoire, il faut écouter les deux, Voilà. sinon Vous ça êtes. va. Voilà. C'est ça. Si on vous ratez un truc. Voilà. C'est obligé. Lui, c'est Et côté au fond. Disney Et j'allais dire, Hein? tu peux même rajouter celui de Tony aussi. C'est Tony, oui, Just Voilà, Minute. le trio Aussi, on là, peut voilà. rajouter. Voilà. Voilà, en fait, voilà, il faut écouter les trois. On fait un hub. Voilà, chacun le sien. Julie, merci d'avoir participé. Tu avais participé au premier. Du coup, merci d'avoir accepté de participer au second. Bah, de rien, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Nadège, tu remercies encore une fois ta chatte d'avoir, d'avoir participé également. Ces miaulements ont permis de nous apporter le sourire. Du moins Olivier, puisqu'il a fait du boudin, puisqu'il n'a pas aimé Agatha. Prochain, le prochain. Le prochain, alors sachez les amis que le prochain, il porte sur quoi ? Olivier, il sait. Nadège sait. Yeah. Julie sait. Le prochain, ça sera sur l'expérience. C'est ça, l'expérience Hôtel Marvel. L'Hôtel Marvel. Qu'on fera tout en ASMR. Oui, parce que pourquoi ? Oh là, ça va être dur. Pourquoi Hôtel Marvel ? C'est parce qu'en fait, vous êtes nombreux à me demander, à me poser plein de questions sur l'Hôtel Marvel. Je vous ai renvoyé vers un podcast qu'on avait fait avec Olivier. Et Tony, sur les un an de Land Avenger. Oui. Les un an de l'Avenger Campus. Oui, on a parlé de l'hôtel. On avait parlé et beaucoup. Mmh. Oui, mais apparemment pas assez. Donc, voilà, donc on va pouvoir. Et puis on sera accompagné de Pierre voilà, aussi. Yeah. Vous avez pu écouter dans le dernier épisode de Magic Mouse Paris. Voilà, donc ça va être plutôt sympathique puisque cet hôtel plaît à quasi tout le monde, je crois. Oui. Toi, Olivier, tu l'aimes bien. Oui, j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais... Nadège, tu as déjà été dormir dedans ? Alors non, je n'ai pas. Je te rappelle que j'habite à deux arrêts d'RER, donc dormir dans un hôtel Disney... Bah, t'as le droit de... C'est pas interdit, mais hein bah... Mais j'ai eu l'occasion de... J'ai eu l'occasion de rentrer dans une chambre parce que j'ai des amis qui ont séjourné, et du coup, je suis allée voir la chambre. J'ai eu l'occasion d'être dans un lit d'un gars. Et j'ai fait les deux restaurants. Voilà. Voilà. Et les bars, surtout. Elle parle pas des bars. Non, le bar, je ne l'ai pas fait, celui-là. Il faut m'emmener, les gars, là. Il y a trois bars à faire. Le fief. Moi, c'est Koya, bars, surtout. Donc, Si, il y a celui de Deadpool. Le secret. Mais là, il ne doit plus fonctionner. Hein. Bah, il marchait encore... Il marchait encore pendant la soirée passionnelle. Hein. Ouais. Ah ouais ? Ouais. Ah, je croyais qu'il s'est... finissait... Non, non, il était encore... en... Je suis allé avec Pierre fin novembre. D'accord. Ça se trouve, je pense d'accord. qu'il y a encore jusqu'en janvier, ça se trouve. Ok. Ah bah tiens. Bon, bah on connaît l'after de... Faut réserver, hein, par contre. Ah mince. Oui, il faut réserver à l'avance. Mais nous, on peut pas y aller avec les filles, c'est interdit aux mineurs. Donc, Non, non. Hein. Ah, ouais, voilà, c'est laisse bien dire au revoir. Pierre est venu avec sa fille, hein. Bah, je sais pas, moi, on m'a refusé de me donner une carte parce qu'on m'a dit que. Bah peut-être au début, parce qu'au début, il y avait une hype pas possible, il y avait beaucoup de monde qui voulait y aller. Mm. Mais là, l'autre fois, Pierre est venu avec sa fille, hein, il n'y avait pas de souci. Hein. Elle a quel âge, sa fille, Pierre ? Toute petite. 3, 4 ans, non ? 4... Non, 4. Ouais, un peu plus, peut-être, ouais. Mm. Bon, bah écoute, on réessayera, vu qu'on est là ce week-end, on va essayer de voir si on peut réserver, en tout cas, pour y aller. Voilà. En tout cas, merci les amis. Donc, prochain podcast sur l'expérience de l'hôtel Marvel. Voilà. Et après, je serai en solo sur l'épisode spécial du Spider-Man noir. Voilà. Je relis encore une dernière fois le comics et je vous prépare le scénario. Voilà. Pour, donc, ça sera en solo. Et ensuite, je pense qu'on se retrouvera avec Olivier pour parler. De What If et peut-être de Skeleton Crew, on va voir. Oui, oui, franchement. Peut-être que Tony veut faire un. J'adore, j'adore. Peut-être que Tony veut le faire. Pour le moment, les deux premiers épisodes que j'ai vus, c'est la meilleure série Star Wars que j'ai jamais vue. Mm-hmm. Oh non, ça vaut pas Mando. Mm. Non. Ça touche à la nostalgie. On va dire que c'est aussi bien. Voilà. Bon, bah écoute, tu sais quoi, tu me donnes envie, on va peut-être le regarder là, avec Julie. Franchement, si tu adhères dès le début, tu vas kiffer. C'est à mon avis, c'est où on rejette. Oui, après, j'aime bien Jules Lowe. J'aime bien Jules Lowe. Donc, ouais, non, mais c'est, si tu as la nostalgie des Goonies, de toute la période Spielberg-Amblin, tu vas kiffer. Moi, j'ai replongé en enfance direct. Je pense que je... Ouais. Je vais regarder ça. On va voir ça avec Julie si ça me plaît. On fera peut-être un épisode Marvel ici dessus, mais je pense que ce sera plus à la fin de la série. Ah, c'est en fin pourquoi pas. Il y en a 6, je crois. Là, il y en a 2 dès le premier jour. Ça serait en doublon avec Marvel What If? Comment ça, en doublon? C'est bien. Parce que d'habitude, ils font, quand ils sortent une série Disney originale, ils ne font pas empiéter une série Disney originale sur une autre série Disney. Après, je crois que pas forcément avec What If. Hein. Parce que vu que c'est un animé. Oui, non, des fois, ils font. C'est un dessin animé, du coup, je crois que c'est. Je crois qu'on a déjà eu une série Star Wars un peu en même temps qu'une série Marvel. Hein. Ouais, bah, pas les filmer avec des acteurs. Je sais pas, j'ai l'impression. Mais... Généralement, c'est chacun leur tour. Bon, on va voir. Je vais voir avec Tony si lui veut faire son podcast sur un épisode podcast sur Skeleton Crew. Si je peux le faire, je vais voir avec lui pour pas faire doublon. En tout cas, merci Nadège. Merci Olivier. Avec plaisir. Merci Julie. Retrouvez-les sur les réseaux Instagram principalement. Olivier, sur YouTube, sur les plateformes de podcast. Et il sort plein de vidéos qui sont toutes très bien, qui sont toutes très belles. Allez les commenter, les partager, tout ça. Et mettre des pouces bleus. C'est encore des pouces bleus sur YouTube ou pas? Oui. Toujours. C'est le négatif qu'on peut plus faire, je crois. Si tu peux le faire, mais tu le vois plus. Ah, voilà. Enfin, tu peux, t'as des moyens de le voir, mais bon. Quand tu as dit ça, il t'a pas vu, mais il a la veine sur le front qui vient de pousser. Quand tu as dit il y a le pouce rouge, il a eu peur. Mais moi, je mets toujours pouces bleus. Ouais. Voilà. Non, non, mais en fait, c'est comme ça qu'on voit que les pouces négatifs, tu peux les voir d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on voit que le trailer de Blanche-Neige est catastrophique. Il y a plusieurs millions de pouces. Bah, quand tu vas sur tes stats YouTube, tu vois si les gens ont liké ou pas. Et Blanche-Neige, il y a plusieurs millions de dislikes. En fait. Ouais, c'est cool. Donc on peut. Il s'attaque un gros morceau quand même. Ouais. Est-ce qu'il va sortir celui-là? Autant le sortir directement sur Disney+. Non, non, il va sortir. Ils ont sorti la bande-annonce française aujourd'hui. Au mois de mars. J'ai vu. Ouais. Je crois que c'était mai. Mais... Bon, bah, allez voir Captain America, les gens. Vous serez moins déçus. Voilà. Sur ce, bonne soirée si vous écoutez le soir. Bonne route si vous écoutez sur la route. Et puis, je vous dis à la prochaine, à l'épisode 45, sur l'expérience. Ciao.